L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il se passe toujours des choses au centre de notre galaxie. Des astronomes allemands, aidés de collègues américains, ont fait une découverte surprenante. Ils ont trouvé environ 20 disques de poussière et de gaz en rotation autour d'étoiles très grosses et chaudes, au sein d'amas d'étoiles, alors que de tels disques ne devraient pas survivre dans un tel milieu. C'est l'intense rayonnement ultraviolet des étoiles qui aurait dû détruire ces disques de poussière gazeux. Les deux amas d'étoiles en question sont appelés l'amas du Quintuplet et l'amas des Arches. Ils sont vieux d'à peine quelques millions d'années et contiennent donc des étoiles très jeunes et très massives, jusqu'à des masses de 100 fois celles du Soleil, et très chaudes, 10 fois plus chaudes que le Soleil. Ce à quoi s'attendent généralement les astronomes face à ce type d'étoiles monstres, c'est qu'elles dispersent toute la matière résiduelle autour d'elles par leur rayonnement en moins d'un million d'années. Clairement, la découverte publiée dans la revue Astronomy and Astrophysics par Andrea Stolte de l'université de Bonn et ses collaborateurs contredit la théorie de la survie de disques de poussière et de gaz dans les nurseries stellaires. Et elle indique qu'il doit probablement exister des processus encore incompris dans ces riches amas d'étoiles du centre galactique. Les observations ont été effectuées grâce au Very Large Telescope de l'ESO au Chili, d'une part, et au télescope spatial Hubble, d'autre part, qui ont tous les deux permis de produire des images en proche infrarouge, les seules longueurs d'onde transperçant les épais nuages de poussière obscurcissant le cœur de la galaxie dans le visible. Les astronomes sont certes perplexes face au constat de la survie de ces disques circonstellaires, mais ils tentent maintenant d'en trouver une explication. Ils évoquent ainsi deux possibilités. Soit ces disques de poussière et de gaz ont une exceptionnelle résistance face au rayonnement UV agressif des étoiles massives, soit il existe un mécanisme inconnu qui les recharge en permanence par une matière fraîche. Quand des étoiles vivent en couple, comme c'est souvent le cas, la plus grosse peut fournir de la matière à sa compagne plus petite par des effets gravitationnels. Par ce biais, il est possible qu'une partie du gaz soit transférée également au disque circonstellaire qui entoure le couple, avec un taux qui compenserait la perte par destruction radiative. C'est vers cette seconde hypothèse que penchent les auteurs de la découverte. En effet, de nombreux phénomènes de transfert de matière ont déjà été observés au sein de couples serrés dans des environnements de formation intense d'étoiles. Et il existe également une conséquence intéressante de la survie de ces disques de matière, qui n'avait encore jamais été imaginée possible dans un environnement comme celui du centre galactique. La formation de planètes. Et oui, si cette matière est en quantité suffisante durant une durée suffisamment importante, rien n'exclut la production de petits corps solides autour de ces très jeunes étoiles massives. Et en extrapolant, cette hypothèse ouvre la perspective de l'existence de planètes très tôt dans l'histoire de l'univers, dès l'apparition des premières étoiles. Andrea Stolte et ses collaborateurs publient donc leur étude dans Astronomy and Astrophysics, le numéro 578, avec le titre « Circumstellar Disks in Galactic Center Clusters, Disk-Bearing B-Type Stars in the Quintuplet and Arches Clusters ». Un titre un petit peu à rallonge, mais qui au moins a le mérite de décrire exactement ce dont on parle. Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien les yeux au ciel, faites attention aux orages, n'est-ce pas ? Et gardez bien les pieds sur terre. L'adresse est toujours la même, www.ça-se-passe-là-haut.fr, bien sûr.